Ça y est, c'est reparti, l'artiste hardi de l'artillard du fardeau pour l'art du fait de la résistance. Bref, reprend du galon, je vais au charbon, y'aura pas de cadeau ni de pardon. Dernier salaud qu'on a pas encore foutu au ballon. Normal, j'ai le bras long, les alibis, mais sauce moi les salons. Pour m'attraper, sera pas château vallon, la vie de salon. Dehors, ils prétendent tous qu'on m'entende bien, que j'ai le même visque, le même flow, la même langue visqueuse. La seule excuse, je me drogue pas, je dis pas bien que depuis longtemps cramé, mais pas du genre à consommer seulement que du lait écrémé. Bêtement rimé, arrimé à star efface périmé. J'ai longtemps trimé dans le crime, la défense grignit le 13 crimé. Pas pour aujourd'hui, mon son débarque, je te vois le supprimer. C'est le retour du tag. Du rap so et tôt, sous contre le Bagdad. Du rap Soweto, son front son Bagdad. MC reste tranquille, ou te faire du mal, je vais pas me gêner. Me gêne pas, j'suis en train de shooter. Montrer au MC fragile que c'est plus l'heure de goûter. J'ai pas le temps de jouer, je l'ai fait en 10, tu peux l'écouter. Du rap fruité, futé, pour ce que cela va te coûter. Pour moi, ce qui est vital, le choc brutal du fameux métal. Bien que j'ai vite chétan, pas la CG qui va me mécale. Quel cal, du mal, calcul avec recul pour plus calme. MC reste tranquille. Faire du mal, je vais pas me gêner. Personne pour me freiner, je maltraite le beat comme une traînée aînée. Dans la mêlée, je mets les bouchées de bottes les plus ailées. T'interpeller comme la télé le fait, ne bien rouler. Je me crois couler, me défouler, te saouler, tu craques saoulé. Bouler de la tête, brûler du crâne, pelé en pelé, pelé. C'est le retour du tas. Du rap Soweto, sauf en son Bagdad. Du rap Soweto, sauf en son Bagdad. Même si reste tranquille, pour te faire du mal, je vais pas me gêner. Plus haut degré, ma voix en continu, sans arrêt. Sois prêt à devenir taré par mon phrasé, son sample carré. À s'imaginer, tu apprécies mon son tel qu'il est. Mon look stylé, rap Lorraine, la cause, buggy crâne pelé. Traite de fêlé, par contre, bois mes faces comme un gosse en petit lait. Critique pourtant pour bon style alors qu'il est. Fil de la ville avant que mes vilains rabattent le filet. Et que les vieux lâchent encore une fois, voilà, je suis violent. Je me fiche des histoires de gang, bandits, voyous, de parrains. Ça me fait marrer, s'ils sont si forts qu'ils viennent à parrain. Une fois par an, à Paris dans les bacs, je parie que mes paroles parues perturbent, paralysent tes parents. Me parle pas de ma vie, moi je me fie à ce que j'ai, le mange gelé. Et y'a pas qu'au mal d'ailleurs que je donne des dégelés. On cause pas de mon bien, j'aggrave les choses avec mon pote colombien. Tu veux que ça pète le jackpot pour ça, tu paies combien? Je ris quand les ragots racontent qu'un fric dans le qu'un fric qui se prend pour un ricain, passe pour un brigand. Car question de fric, en vrai je vois grand range, ma clique au premier rang. C'est le retour du tas. Du rap Soweto, sauf fond de son Bagdad. Même si reste tranquille, pour faire du mal, je vais pas me gêner. C'est le retour du tas. Du rap Soweto, sauf fond de son Bagdad. Même si reste tranquille, pour faire du mal, je vais pas me gêner. C'est le retour du tas. Même si reste tranquille, pour faire du mal, je vais pas me gêner. C'est le retour du tas. Même si reste tranquille, pour faire du mal, je vais pas me gêner. Même si reste tranquille. Même si reste tranquille, ou faire du mal, je vais pas me gêner. Même si reste tranquille, ou faire du mal, je vais pas me gêner.